Bon, hier, dans le monde du baseball, les Astros de Houston ont vu leur gérant A.J. Hinch et leur directeur général être suspendus par le baseball majeur. Et du côté, les Astros n'ont pas perdu de temps. Le propriétaire a tout simplement congédié les deux hommes. On en parle avec Mark Griffin. Salut, Mark. Salut, Dan. Hey, Mark, c'est toute une bombe. Hein. Je m'attendais jamais à ça, que ça allait être aussi, ça allait faire aussi fort. Et en fait, c'est quasiment aussi fort que... Ben moi, je l'ai connu quand Bart Giamatti avait suspendu Pete Rose. C'était aussi fort quasiment. Mm-hmm. Ben, écoute, c'est sûr que on avait une petite idée, hein, parce que avait des petites brides de l'enquête qui disaient que ça va être sévère comme pénalité. Et effectivement, lorsque c'est tombé, en fait, il y a un élément où je suis content, c'est qu'on sait pas, on n'est pas allé avec une grosse amende monétaire où tu dis bon. Ils ont de l'argent, puis c'est comme s'ils achetaient un championnat, même si tu triches un peu, ça te coûte. Tu sais, là, ils sont allés vraiment vers le côté qui fait un peu plus mal, c'est-à-dire le côté humain. Après ça, tu as le côté avec deux choix de première ronde lors des deux prochains repêchages. Fait que c'est sûr que si tu es le directeur du recrutement ou dépisteur de l'organisation des Astros, ben, tu es affecté par ça aussi. Par contre, si je me fie à beaucoup, en tout cas, je dirais même la plupart des gens dans le baseball, je parle pas des journalistes, mais je parle des gens impliqués dans le baseball, beaucoup qui trouvaient ça quand même pas nécessairement assez sévère au niveau du baseball majeur. Là, évidemment, avec Jim Crane qui arrive et qui congédie les deux, là, whoops, ça devient un petit peu plus sévère, mais ça reste que c'est de la tricherie, ça reste que c'était pas légal. Et là, tu te dis, ben, Colin, est-ce que, tu sais, c'est quoi les dommages collatéraux de tout ça? Il y en a pas mal, tu sais. Ben oui, je t'écoutais au 91.9 ce matin. Je t'écoutais au 91.9 ce matin, Marc, puis tu parlais de Yu Darvish. Tu parlais également que lui, dans le septième match, je m'en rappelle très bien, il avait fait deux manches, je pense, dans ce match-là. Non, mais écoute, le gars s'est fait rincer parce que là, tu te dis, ben, écoute... Puis peut-être que lorsque Darvish s'est fait cogner, c'est peut-être parce qu'ils ont trouvé une faille dans son élan, puis c'est peut-être ça la vraie raison. Mais là, tu crées le doute que ben, si tu triches à domicile avec une télé puis tu sais une technologie qui te permet de voir les signaux immédiatement puis que tu les transmets avec un coup dans la poubelle, ben là tu dis qu'est-ce qu'on aurait pu faire à l'étranger de différent, tu sais, alors tu sais. C'est juste le doute que ça crée. Fait que c'est pas bon pour le baseball, c'est pas bon pour les Astros. Puis là, ben, ça va être encore à gérer un peu l'image du sport. Ben, effectivement. Puis là, ça va être quoi les dommages collatéraux aussi sur le... Parce que là, moi, j'ai de la misère à croire que Jay Crane ne savait pas. Tu sais, le propriétaire. T'es d'accord avec moi? Ben, écoute, moi de voir la hiérarchie d'une organisation, que Crane soit pas au courant, capable de le comprendre. Tu sais, des fois, le président, il est en haut, c'est business, mais que le directeur général ne soit pas au courant, et évidemment que A.J. Hinch, qui l'a avoué, s'est fermé les yeux, ça c'est clair, là, parce que même Lunard, qui a mentionné que tu sais, qu'il n'était pas nécessairement au courant, puis ça s'est passé un peu avec, tu sais, des joueurs de deuxième ordre, puis des employés de deuxième ordre. Ça, je trouve ça un peu ordinaire, là. Mais bon, écoute, même si Crane était peut-être au courant, moi tu sais, je veux dire, comme je t'ai dit, j'ai vu c'est quoi la hiérarchie d'une organisation baseball, que le président soit pas au courant. C'est sûr que c'est que le directeur général le met pas au courant. Il peut pas être au courant. Non. Puis la façon que A.J. Hinch se comportait dans ça, c'est que lui, il aimait mieux pas dire un mot puis dire, regarde, on va essayer de passer ça sous le tapis. Puis ça lui a coûté évidemment son poste, malheureusement. Donc, écoute, l'organisation paraît mal. Rappelle-toi en pleine série mondiale ou en pleine série championnat, en fait, lorsque on avait l'assistant à Lunard qui s'est fait congédier parce qu'il avait, tu sais, disons, maltraité, on va dire ça, une journaliste à ce moment-là. Fait que, tu sais, moi, ce que je retiens aussi, c'est que le commissaire avait déjà cette organisation-là un peu sous la loupe au niveau de leur attitude, au niveau de leur comportement vis-à-vis d'autres équipes, tu sais, c'est pas une équipe qui était très appréciée des autres dans le baseball majeur. Qu'est-ce qui va être les conséquences sur l'équipe? Parce que là, on est à un mois du camp d'entraînement, et perdre son A.J. Hinch, perdre le directeur général également. Là, c'est sûr qu'il y a des choix de première ronde, mais moi, je te parle du moral sur les joueurs. Là. Ça va être quoi? Ben, écoute, moi, je pense qu'il y a, honnêtement, là, je pense qu'il y a assez de leadership dans cette équipe-là. OK. Tu parles d'Altuve, de Verlander, tu sais, même un jeune Carlos Correa, qui est des Springer, t'as des gars qui sont capables, Bregman, qui sont capables de dire, écoute, les gars, faut passer à travers ça, faut passer à travers la tempête. Moi, je pense que les Astros vont avoir une très bonne équipe parce qu'ils vont gagner le championnat haut la main. T'sais, ils ont quand même perdu Garrett Cole, là. Ouais. Ça sera pas nécessairement facile. Mais honnêtement, je pense qu'on va réussir à passer au travers, compte tenu que, tu sais, parce que les joueurs ont échangé leur déposition, si tu veux, ou leur commentaire, ils ont échangé ça face au fait qu'ils ne seront pas suspendus ou seront pas, on leur tapera pas sur les doigts ou aucun nom sera mentionné. Là, ils ont une chance de redorer leur image. Moi, je pense que rapidement, on va tenter de faire oublier les choses du côté de Houston, puis y aller de façon honnête, puis peut-être de prouver aux gens que, regardez, parfait, on trichera plus, mais on va gagner quand même. Moi, je pense qu'il y a assez de vétérans dans cette équipe-là pour que ça change, que ça puisse aller de l'avant assez rapidement. OK. Alex Cora, lui, est-ce que les Red Sox vont prendre l'advant et le congédier avant que le commissaire le suspende, ou on va attendre du côté du commissaire ce qui va arriver? Ben, c'est-à-dire qu'on attend, puis c'est comme Jim Crane. Ouais. Jim Crane a eu vent deux jours avant que ça regardait pas bien, mais lui, il dit, écoute, donnez-moi le rapport. Puis quand le rapport est sorti, ben immédiatement, le baseball majeur est sorti publiquement. Donc, Crane, il servirait de bord, il dit, écoute, moi, je l'ai congédié. Fait que Crane savait pas trois mois d'avance les résultats du rapport. Ça va être la même chose du côté des Red Sox. On a des sérieux doutes, mais on va attendre le rapport final, qu'est-ce qu'il mentionne, qu'est-ce qu'il en est. Mais c'est clair qu'Alex Cora, selon moi, va écoper d'une suspension aussi, qui pourrait aller à la même hauteur que ce que AJ Hinch a obtenu. Parce que, écoute, t'as pas besoin de lire entre les lignes du rapport, puis Alex Cora était le cerveau derrière toute cette manigance-là du côté de Houston, puis il a transporté ça du côté des Red Sox de Boston. Alors, ça regarde pas tellement bien du côté d'Alex Cora, malheureusement. Un gars, pourtant, que j'apprécie beaucoup en tant que gérant, mais là, il est peut-être allé un peu trop loin. Ça va être pire, moi, je pense. Parce qu'étant donné que c'est le cerveau, tu penses-tu? Ben, écoute, là, la question, c'est... Là, ce qu'on est en train de regarder, c'est... parce que les preuves sur Cora semblent assez importantes. Là, c'est de savoir... Te rappelles-toi la fameuse situation avec la iWatch? On va de façon un petit peu plus approfondie. On agit de la même manière. C'est-à-dire qu'on va aller parler à des joueurs, des gens de l'organisation. Les noms seront pas mentionnés, mais on veut savoir ce qui s'est passé. Puis là, ben, on tient pour acquis que les gens qui étaient en position d'autorité, donc gérant et directeur général, ben c'est eux qui écopent à ce moment-là. Là, Dombrowski n'est plus là. Du côté des Red Sox, là, ça s'est passé lorsqu'il était là. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y en est, mais je suis convaincu qu'Alex Cora subira, disons, des foudres du baseball majeur, assurément. OK. Marc, donc on va sûrement en reparler dès que Cora sera suspendu ou qu'est-ce qui va arriver. Moi, je veux parler de Larry Walker maintenant, qui est à 84% aux dernières nouvelles du tiers des bulletins de déposés. Moi, là, pour avoir suivi plus le dossier Tim Raines, puis tu sais, j'allais voir quasiment tous les jours. Dans le cas de Walker, à 84%, ça baisse. Avec un tiers des bulletins de déposés, je pense qu'il va être bon passé. Normalement, on est rendu près de 40%. On approche les 40%. Puis là, il est toujours à 85% en ce moment. Pour être précis, là, c'est 37,5% des voix. Là. Ouais. Il est à 85% présentement. Ça regarde très bien. Il n'y a pas de doute que ça regarde très, très bien. Je suis bien, bien content parce que, tu sais, je veux dire, statistiquement, le gars a sa place. Moi, c'est un coéquipier que j'ai adoré. Là. Je parle vraiment comme ancien coéquipier. C'était un gars qui était probablement un athlète extraordinaire à tout point de vue. C'était tout un athlète au hockey aussi. C'est un bon vivant. Mm. C'est sûr que c'était pas la meilleure attitude face aux journalistes, face parfois à des personnalités publiques, là, mais ça reste un sacré bon joueur de balle. Puis je suis content de voir que statistiquement, ce qu'il a accompli au Coors Field par rapport à ce qu'il a accompli à l'extérieur du Coors Field, c'est-à-dire dans d'autres stades, c'est là. Parce que malheureusement, lorsque tu joues pour les Rockies, ben oui, c'est toujours, ben oui, on sait bien, ouais, t'es toujours au Colorado. Mais et c'est malheureux. Honnêtement, c'est très malheureux. Mais et là, je pense que statistiquement, on a prouvé que Walker, il est encore meilleur à l'extérieur du Coors. Il était très bon là avec les matchs à domicile. Mais ce gars-là, ce qu'il a réussi à accomplir ailleurs est tout à fait exceptionnel. Et c'est un joueur complet. Et quand je dis complet, c'est que moi, trop souvent, je trouve qu'on néglige la défense lorsqu'on on parle beaucoup de l'attaque des circuits. Mais hey, ce gars-là, au champ droit, avait un bras canon, couvrait du terrain comme jamais. C'est un gant d'or. Tu le mettais au premier but, il avait l'air d'un gant d'or au premier but. C'est un gars qui a apporté tellement aussi pour ça, par son jeu défensif. Moi, je me rappelle d'un match à San Diego où il avait lancé un coup sûr. Ça ressemblait à un coup sûr, puis il avait retiré le coureur au premier but du champ droit. Je ne sais pas si tu en rappelles. Oui, absolument. Okay, écoute, ouais. C'est vraiment... Écoute, ce gars-là, tu sais, quand tu parles des cinq éléments pour être un joueur étoile, ça veut dire que tu frappes la moyenne, tu frappes la puissance, tu as un bon bras, tu es bon en défense, puis tu cours vite. Je veux dire, ce gars-là volait des buts. C'était pas Tim Raines, mais ce gars-là volait des buts quand c'était le temps. Il était capable de partir du premier au troisième quand c'était le temps. Son bras canon, son gant en défense, moyenne, puissance, tu sais, tout était là. C'était le full package, comme on dit. Et il l'a fait pendant une longue période de temps. Ça aussi, selon moi, ça devrait être un aspect important à considérer. Là, je suis content. Ben, ça a peut-être pris 10 ans, mais au moins, je suis content de voir que les gens se réveillent puis prennent le temps d'analyser. Tu sais, je regarde un gars comme Omar Vizquel, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, des probablement les meilleurs mains que j'ai vus. Mais tu sais, si on regarde en attaque, ce gars-là est pas capable, selon moi, ne devrait pas être autant de la renommée. Ça, c'est une opinion très personnelle. En raison qu'il n'a pas été capable d'accomplir en attaque que, selon moi, un gars du temple de la renommée devrait faire. Défensivement, haut la main. Mais le baseball, ben, ça joue autant en attaque qu'en défense. Puis c'est pour ça que faut considérer, évidemment, ces aspects-là. Vizquel, c'est un peu un Ozzie Smith. C'est un peu... Oui. À peu près, ça semble... Mais Marc, tu parles de Cooperstown, puis tu parles des expos. Moi, là, pour avoir lu la biographie de Philippe Alou, là, Philippe mérite d'être à Cooperstown, pas nécessairement par les chiffres, mais par les... comme bâtisseur. Ouais, ce qu'il a apporté au baseball. Ce qu'il a apporté au baseball, ouais, c'est... Parce qu'il ne faut pas oublier là, que Philippe Alou, tu sais, on parle beaucoup de Jackie Robinson, et pour cause, évidemment, Jackie était un homme extraordinaire, ce qu'il a réussi. Mais Philippe Alou était pas loin derrière. Non, ouais. Et Philippe Alou en a ouvert des portes pour les Dominicains, là. Et par sa façon de faire, et ça, tu sais, c'est un gars qui a défoncé des murs, donc, pour aider ses compatriotes à faire de quoi dans le baseball majeur. Il a mis la République dominicaine sur la map, comme on dit, et ce qu'il a accompli par la suite comme gérant. Écoute, c'est sûr que je suis d'accord avec toi, Philippe Alou devrait au moins être sérieusement considéré pour la carrière qu'il a eue comme bâtisseur. Je suis bien d'accord avec toi. Dernier point que je veux te parler, les Blue Jays, en tant que partisan des Blue Jays, m'ont fait un cadeau de Noël que je m'attendais pas du tout. Marc, on les critique souvent, les Blue Jays. Là, moi, cette organisation-là, il m'inspirait pas confiance. Moi, Ross Haskins, je le comparais à Jim Beatty. Quand tu compares Jim Beatty, c'est pas un compliment. Hein? Mais quel coup! Le 22 décembre, je pense, le 23 décembre, c'est arrivé. Je me l'attendais pas du tout, ça. On a maintenant une rotation potable. Moi, je pense que c'est Shoemaker qui va être la clé. Matt Shoemaker. Shoemaker, Tanner Ward. Tu sais, tu vas chercher des lanceurs du baseball majeur. C'est ça qui est important. Va chercher des gars qui sont de calibre du baseball majeur. Pas des « on espère que ». On espère que ça donne pas toujours les bons résultats. Là, tu vas chercher des bras. C'est pas des gagnants de 20 victoires, mais c'est là qui vont donner des départs de qualité, qui vont permettre aux jeunes peut-être d'aller chercher, tu sais, marquer des points. Puis, oups, finalement, tu vas chercher des victoires avec ça. C'est sûr que Rio... on savait que les Blue Jays étaient après un candidat sérieux. On savait que Rio était leur choix numéro un. Ils ont réussi à l'attirer. Bravo. Je trouve que c'est effectivement une très bonne nouvelle pour l'organisation. Maintenant, Rio doit agir en numéro un. C'est là que ça m'inquiète un petit peu plus. Parce que, tu sais, Rio, il lançait derrière Kershaw. C'était pas lui qui était le spotlight, comme on dit. Là, il va l'être. Alors, ça vient aussi avec une pression. Ça veut dire que quand tu vas affronter les Yankees, ben, tu vas affronter le meilleur lanceur des Yankees. Tu sais, t'es le lanceur numéro un. Fait que tes adversaires, habituellement, ça va coordonner avec les numéros un des autres. Là, ça va donner, disons, un défi additionnel à Rio. Mais, j'haïs pas. Les Blue Jays, depuis l'an dernier, après la pause du match des étoiles, se sont garnis d'à peu près 20-25 bras, potentiellement Ligue majeure. C'est pas une mauvaise stratégie. Maintenant, on va voir ce que tout ça va donner. Mais c'est de pas mal meilleur augure que ce qu'on avait vu peut-être il y a 3-4 mois. Moi, c'est les blessures. Parce que avant cette année, il était superbe. C'est un gars qui était souvent blessé. Hein. Puis comme les lanceurs asiatiques, c'est pas mal la même affaire. Tu sais. Oui, ben c'est ça. Mais là, c'est d'apprendre. C'est aussi, à l'âge qui est rendu, tu sais, c'est que tu peux apprendre écouter ton corps un petit peu plus. Ouais. Puis je serais pas surpris que ce gars-là puisse la lancer de façon régulière, avoir son tour, aller chercher une trentaine de départs. Mm. S'il prend soin de lui, si évidemment, on connaît pas l'avenir, mais si ce gars-là peut aller chercher 28, 30, 32 départs cette année, ben ça va être ça de plus. Moi, je pense que les Blue Jays vont pouvoir viser une moyenne de 500 l'année prochaine avec un staff de la sorte, puis ça permet aux jeunes de se développer dans un environnement qui est pas mal plus intéressant. Là, je parle évidemment les Guerrero, les Bichette, ouais. Les Bidjo de ce monde. Au moins, tu te développes avec une équipe, tu sais, qui peut gagner la moitié de ses matchs. Et ça, ben, t'apprends à gagner à ce moment-là, puis là, ben, tu peux arriver d'ici un an ou deux, puis avoir une équipe qui est pas mal plus compétitive. Mais là, il reste deux choses. Il reste un voltigeur de centre. Je lisais Jay's Journal. C'est un site de potins des Blue Jays. Ouais. Puis on disait que le journaliste avait une bonne idée. Scooter Gainette au deuxième but, puis transférer Biggio au champ centre. Mais tu trouves ça? Bennett était encore joueur autonome. Ça pourrait pas être. Ça pourrait être oui, coupé. Effectivement. Biggio me semble athlète. On pense à son père, là, qui a été un étoile au receveur, deuxième but, puis champ centre. Tu te dis, ben, le gars va être capable de jouer au champ centre. Écoute, on connaît pas ses habiletés, mais je suis convaincu de le voir aller que c'est un potentiel aussi. Un peu comme Gourriel. Au début, c'était un peu shaky au champ gauche, mais le gars peut s'adapter puis devenir, selon moi, un excellent voltigeur aussi. Donc, c'est des choses qui sont faisables absolument. Le marché des joueurs autonomes est encore assez vivant. Là, même qu'il y en a eu pas mal de signatures, ça reste quand même quelques bons joueurs de disponibles encore. Mais moi, j'aille pas ce que je vois là, du côté des Jays. Honnêtement, je suis content de voir ce que ça donne. Beaucoup de nouveaux visages. Et évidemment, les anciens sont partis. Là, les visages des 5-6 dernières années, là, les Justin Smoke et tout ça. Les gars ont passé à autre chose. Alors, moi, j'ai l'impression, bon, on met la place avec les jeunes, mais je suis content qu'on les entoure d'une couple de vétérans. Tu sais, Tanner Ward, j'en parlais tantôt, mais mine de rien, juste ce gars-là autour des jeunes, ça peut pas nuire. Je suis convaincu que c'est un recette qui peut marcher avec ça. Et ça prend peut-être une couple de releveurs aussi. Mais ça se trouve probablement avec des invitations au camp d'entraînement et des petits contrats. Tu regardes des gars comme Philippe Aumont. Philippe Aumont est invité. C'est tout. Tu sais, Philippe a connu une saison remarquable au niveau international avec les Capitales. C'est un gars qui a un excellent bras. Je pense que ça semble être un gars qui a beaucoup plus confiance en lui. Alors, tu sais, ça, c'est juste un, Philippe Aumont. Comme j'ai mentionné tantôt, les Jays en ont mis un paquet sous contrat de gars qui ont des bras de qualité. Alors, tu sais, tu peux en trouver deux, trois là-dedans qui, soudainement, vont faire un travail pas mal respectable. En tout cas, moi, j'ai une certaine confiance qu'on va réussir à trouver deux, trois gars, deux, trois bras qui vont permettre à cette équipe-là d'être assez compétitif malgré tout. Marc, merci beaucoup encore une fois. Bonne année. Je pense qu'on achève pas mal de dire la bonne année. Jusqu'au 15 janvier, on dit qu'on a le droit. On se reparle beaucoup, très prochainement. C'est bon. Merci, Dan. Voilà notre ami Marc Griffin.